Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bonjour et bienvenue dans votre podcast mensuel sur Disneyland Paris. Nous sommes le 24 mars 2018 et vous écoutez le premier épisode de DLP Podcast. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce premier épisode de DLP Podcast. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir. Ça risque d'être un épisode assez long pour une première, car on va parler de la saison Pirates et Princesses, de plein d'actualités à propos de Disneyland Paris. Et ensuite, notre dossier portera sur le futur de Disneyland Paris, un nouveau départ. Mais avant ça, vu qu'il s'agit de la toute première émission, je souhaite prendre un petit temps au début du podcast pour rapidement me présenter et présenter le podcast pour que vous sachiez mieux ce que vous écoutez. Donc je vais rapidement me présenter, je m'appelle Maxime, je suis étudiant et je suis passionné de cinéma et de Disneyland, c'est ici ce qui nous intéresse. Ma première visite sur le parc a eu lieu en 2003 alors que je n'avais que 3 ans, je vous laisse donc calculer mon âge. Et ça a été le coup de foudre instantané, car après cette première visite, je suis retourné sur le parc plusieurs fois par an jusqu'en 2009 où j'ai arrêté d'y aller. Donc au bout de quelques années, ça a commencé à me manquer. Et à l'approche des 20 ans, aux alentours de 2012, donc si je ne dis pas de bêtises, pour pallier à mon manque, j'ai commencé à traîner sur les forums Disney et à lire des livres comme Disneyland Paris de l'esquisse à la création, un livre que je vous conseille d'ailleurs, et à ensuite rejoindre Twitter. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai découvert la richesse de l'univers de Disneyland, ses histoires, ses secrets et l'art de l'Imagineering. Et je me suis donc vraiment rendu compte que j'en étais passionné à ce moment-là, même si j'ai toujours baigné dedans. En plus, à l'époque, il n'y avait quasiment pas de vidéos sur YouTube à propos de Disneyland, donc pour connaître les secrets et les histoires des landes et des attractions, il fallait quand même faire un petit travail de recherche sur les forums et dans les livres, et c'était donc plutôt sympa de passer ses journées à faire des recherches sur le parc. J'y suis donc enfin retourné en 2013 pour les prolongations du 20e anniversaire, et depuis, j'y retourne une à deux fois par an pour de longs séjours, étant donné que j'habite dans le sud de la France. Mais ça ne m'empêche pas de suivre l'actualité des parcs jour pour jour sur Twitter et de regarder sur YouTube toutes les nouveautés pour que je puisse me faire mon propre avis dessus dès qu'elles sortent. Maintenant, vous allez me demander pourquoi avoir choisi le podcast audio. Eh bien, la réponse est très simple. Ça fait pas mal de temps qu'on sentait que le changement approchait à grands pas à Disneyland Paris et j'avais donc tout simplement envie de plus en parler et de partager mon avis différemment qu'avec de simples tweets. Je n'avais pas non plus envie de me lancer sur YouTube car les chaînes sur Disneyland sont maintenant tout de même assez répandues sur cette plateforme, bien qu'il y en ait de très bonne qualité. Et j'avais envie de quelque chose de différent. Je me suis donc dit que le podcast serait une bonne solution. Mais passons aux choses sérieuses et laissez-moi vous expliquer ce qu'est l'émission DLP Podcast. Donc DLP Podcast, c'est une émission qui va être coupée en deux parties. La première se nomme News en vrac, et comme vous pouvez vous en douter, dans cette partie, je reviendrai tout simplement sur l'actualité de Disneyland Paris du mois et je donnerai mon avis dessus. Pour ce qui est de la deuxième partie, il s'agira de dossiers sur un sujet précis que je développerai et dont je parlerai en détail. Donc dans ces dossiers, je vais pouvoir un peu plus parler des rumeurs et des théories que dans la partie news et donc chaque épisode aura un sujet différent que je développerai. Et si vous voulez participer à un podcast ou simplement que votre avis apparaisse dedans, eh bien ça sera avec plaisir. Vous avez juste à me contacter sur mon Twitter, DLP Podcast, ou par mail à dlppodcastcontact@gmail.com. Passons donc bel et bien aux choses sérieuses et commençons ce premier podcast. Et on commence tout de suite avec les news en vrac. Et la première news dont nous allons parler a eu un contexte de publication assez étonnant et assez drôle à constater, puisque c'est le 27 février dernier qu'a été publié sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris un extrait de la musique de la soirée inaugurale des Disney Fan Days. C'est assez drôle à constater, puisque c'est le même jour qu'a été annoncé le plan d'expansion de 2 milliards d'euros de Disneyland Paris. Je vous laisse donc écouter un petit extrait de cette musique et on se retrouve juste après pour en parler. Turn the time. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, à la première écoute, j'ai pas trouvé cette musique super bien. Mais à force de l'écouter, je me dis que c'est une musique Disney, de parc Disney, assez classique au final, et qui fait le job. Franchement, je trouve que ça fonctionne assez bien. J'étais par exemple pas très fan, et je suis toujours pas très fan, de la musique de la Disney Stars on Parade, qui est très moderne et dont je n'apprécie pas forcément les sonorités. Après, tout est question de contexte. Il faut savoir qu'une musique de parade ou une musique des parcs, quand vous l'écoutez chez vous, ça n'a rien à voir à quand vous l'écoutez dans le contexte, dans le parc, avec les haut-parleurs et l'ambiance. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense que c'est une musique quand même assez sympa. Elle s'appelle It's Fun to be a Fan. Donc c'est fun d'être un fan. On pourrait plutôt dire c'est fun d'avoir de l'argent, puisque les prix de la Disney Fan Day, je vous le rappelle, sont assez considérables, en tout cas les packages. Après, on attend avec impatience les prix liés au passeport annuel qui seront bientôt révélés, il me semble, en avril, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, pour plus d'informations, je vous conseille d'aller voir les podcasts de Rien que d'y penser. Et donc voilà pour ce qui est de cette musique de Disney Fan Days, sympathique mais sans plus, à voir ce que ça donnera sur le terrain. Donc je parlais par exemple de la musique de la Disney Stars on Parade, mais il faut savoir que le contexte n'a toujours pas changé mon avis, même en ayant vu la parade en vrai, je n'aime toujours pas cette musique, et ni cette parade d'ailleurs, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Passons maintenant, toujours restons dans le domaine de la musique, et parlons de Vasile Cirelli. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais c'est le compositeur de Disneyland Paris depuis maintenant 27 ans, et il va malheureusement bientôt se retirer. Il était à l'origine de beaucoup de musique qu'on apprécie, il nous a fait rêver maintes et maintes fois et décide de se retirer. Pas plus de choses à dire à ce sujet-là, on lui souhaite bien évidemment un radieux avenir. Donc pour ce qui est de la suite, on va parler du Café Mickey. En effet, les personnages sont de retour au Café Mickey alors qu'ils étaient absents depuis quelques temps, on les avait retirés. Et ils sont de retour accompagnés d'une nouvelle carte et d'une augmentation des prix, bien évidemment, qui dit personnage, dit augmentation des prix. Donc pour le menu adulte, entrée, plat, dessert, on est sur un prix de 65€. Donc vous avez un choix, à ce que j'ai vu, assez varié. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul menu. Et pour le menu enfant, on est sur une tranche de prix de 35€. Donc ça reste assez cher. Mais étant donné la venue des personnages, ça peut être compréhensible. A noter qu'à l'époque où les personnages étaient présents au Café Mickey, le prix n'était pas de 65€, il était un peu plus bas, il me semble. Donc on constate quand même une augmentation des prix assez considérable. On passe désormais aux Magic Pass qui sont actuellement en test dans une version 2.0 dans les hôtels Disney. Donc il me semble qu'il y a le New York Hotel, le Disneyland Hotel, et peut-être même le Sequoia Lodge, peut-être même tous les hôtels en fait, je ne sais pas. Et ils permettent désormais de rentrer dans le parc et d'ouvrir sa chambre d'hôtel, ainsi que d'avoir sa demi-pension sur la carte. Donc le Magic Pass, je le rappelle, c'est une petite carte qui vous permet de faire tout ce que je viens de vous énoncer, et où vous pouvez également payer dans les parcs avec, et ce que vous avez payé sera déduit donc sur votre compte, en fin de séjour. Alors cette carte, elle n'est pas nouvelle puisque j'avais déjà pu la tester à l'époque en 2016. C'était une version 1.0 et il n'y avait pas autant de fonctionnalités que ce qu'il y a maintenant. Mais c'était quand même sympa, je trouvais ça vraiment pratique. Surtout le fait de ne pas au final avoir que sa carte bancaire sur le parc et de pouvoir comme ça payer directement avec cette nouvelle carte. Donc c'est plutôt cool. Selon moi, c'est une nouvelle avancée vers un espèce de Magic Band 2.0 et même peut-être plus pratique au final, puisque que ce soit un bracelet ou une carte, au final, ça sera la même chose. On devrait avoir au final, je pense, la même technologie sur le long terme, c'est-à-dire peut-être avoir ses fast-pass sur cette carte. On peut imaginer quelque chose comme ça. Ou alors, ce qui serait vraiment idéal aussi, ce serait de pouvoir réserver ses fast-pass sur téléphone. Ainsi que de pouvoir réserver ses restaurants sur téléphone, mais ça je pense que c'est quelque chose qui va rapidement arriver avec l'arrivée du Wi-Fi qui est bien évidemment prévu pour nos parcs. Donc voilà ce que j'avais à dire pour les Magic Pass, c'est vraiment sympa et une avancée vers la technologie à Disneyland Paris, et il en était temps quand même hein, par rapport au parc américain. On est assez à la traîne sur le sujet, mais les choses avancent et ça fait toujours plaisir. Passons maintenant à Frontierland où Phantom Manor est toujours en réhabilitation, bien évidemment, puisque la réouverture est prévue pour l'automne 2018. Notre cher manoir est désormais recouvert de palissades et le travail avance, donc que ce soit sur le bâtiment en lui-même ou aux alentours du bâtiment. Donc on a hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire à l'intérieur et on en reparlera certainement dans un podcast un peu plus tard dans l'année pour voir tout simplement qu'est-ce que j'en attends, etc. Donc pour ce qui est de Phantom Manor, c'est fait. À Frontierland toujours, au fin fond de Frontierland, le Chaparral Theater est actuellement en train d'être démoli et ça avance d'ailleurs assez vite, j'ai l'impression, aux images qu'on peut voir sur Twitter. Pourquoi il sera démoli, qu'est-ce qui va le remplacer, ça, on va en parler, mais dans la partie 2 du podcast, donc dans l'avenir de Disneyland Paris, puisqu'il y a de quoi en débattre, vous allez voir. Et toujours dans ce qui est des rénovations et fermetures, on va directement passer à Discoveryland, car le 4 mars dernier a fermé le Discoveryland Theater et l'attraction entre guillemets Star Wars Path of the Jedi, qui était assez médiocre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On ne sait pas encore ce qu'il va y avoir du coup à la place de Star Wars Path of the Jedi. Je ne pense pas qu'on verra le retour de Chéri, j'ai rétréci le public, ni de Captain EO. Donc peut-être une nouvelle attraction non annoncée, peut-être la Jedi Training Academy qui va basculer à cet endroit-là, on ne sait pas. C'est encore complètement mystérieux et on attend peut-être une annonce qui va se faire dans ces prochains jours. Nous verrons bien. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien et redonner de la vie à cette salle de spectacle qui, depuis la fermeture de Captain EO, est un peu délaissée et dont on ne s'occupe pas alors que c'est vraiment une belle salle remplie de fonctionnalités qu'il serait bon d'utiliser, je trouve. Voilà pour ce qui est de Discoveryland. Maintenant, parlons de la saison de la Force qui se termine demain, le 25 mars, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie. Et je ne vais donc pas revenir dessus longtemps, mais globalement, ça reste pour moi la même déception qu'était la saison de l'année dernière. Quelques améliorations, ont eu lieu, comme l'arrivée de nouveaux vaisseaux posés un peu partout dans le parc. Je ne trouve pas forcément que ce soit une bonne idée, parce que ça fait un peu, j'ai l'impression, posé là, il n'y a pas forcément de cohérence, on est dans un studio de cinéma, puis d'un coup, on voit un vaisseau spatial dans un décor hollywoodien, c'est assez spécial, ou un vaisseau spatial devant la Tour de la Terreur, ça n'a pas forcément de cohérence à mon sens, même si c'est toujours sympa de se promener dans le parc et de voir les vaisseaux de Star Wars. Pour ce qui est des spectacles, ils ont légèrement été améliorés, mais je les trouve toujours aussi bof, entre guillemets. La célébration galactique a été un peu améliorée, et tous les autres spectacles aussi, mais ça reste assez pauvre, je trouve, et ils auraient pu faire mieux quand même pour cette saison de la Force. Mais, elle sera bientôt succédée par la saison Pirate et Princesse, qui arrive à DLP du 31 mars au 31 mai 2018, et on en sait un peu plus. L'animation principale sera Pirate ou Princesse à la croisée des chemins. C'est un show qui va être immersif, comme les shows des précédentes saisons printanières. Donc avant, on avait eu droit à Swing into Spring, qui était franchement une belle saison avec de belles décorations en taupière et de beaux shows qui étaient effectivement qui prenaient de la place, hein, si je me souviens bien. Et c'était plutôt sympa, donc j'espère que cette saison-là sera d'aussi bonne qualité. Donc le show dont je vous parlais juste précédemment sera composé de deux chars, un pour la team pirate et un pour la team princesse. Les chars partiront de deux points opposés pour se rejoindre sur Central Plaza. Donc imaginons que le char de la team princesse parte d'It's a Small World. Eh bien si c'est le cas, le char des pirates partira lui de Town Square. Voilà pour ce qui est de la répartition des chars sur le chemin de la parade. Et donc ils vont se rejoindre sur Central Plaza après avoir fait un premier arrêt en amont. Et une fois arrivés sur Central Plaza, les pirates et les princesses vont s'affronter tout en faisant participer le public via deux chorégraphies différentes. En effet, on a vu depuis quelques temps que quelques vidéos, trois vidéos plus précisément, ont été publiées sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris. Et dans ces vidéos, on retrouve Betty Rose et Jimmy Ocean qui nous apprennent à effectuer deux chorégraphies différentes, donc une pour la team princesse et une pour la team pirate, qui seront utilisées durant le show et où les performeurs inviteront le public à tout simplement faire ces chorégraphies pendant le show. Donc ça, c'est vraiment intéressant de rendre le show interactif pour le public. Après, est-ce que le public européen est prêt à participer à un spectacle de cette envergure-là? J'en suis pas si sûr, mais effectivement, peut-être qu'au milieu des danseurs, et si la chose est bien présentée, le public jouera le jeu, et c'est toujours bien pour les enfants et pour les adultes que ce genre d'interaction soit proposé. Donc pour cela, les statues de Central Plaza qui étaient actuellement présentes, donc les statues de Mickey, Minnie et ses amis argentés du 25e anniversaire, ont été remplacées par des petites scènes et les lampadaires ont été décorés aux couleurs des pirates et princesses, sans oublier les parterres floraux qui ont été changés. Le show aura lieu donc 4 fois par jour, 7 jours sur 7, ce qui est quand même assez impressionnant. 4 fois par jour, un show avec plus de 100 performeurs, ça va quand même être un gros spectacle et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, mon avis là-dessus, je pense que ça s'annonce vraiment bien. On a eu quelques extraits de qu'est-ce que va être ce show, puisque une avant-première a eu lieu, enfin une avant-première entre guillemets, a eu lieu à l'Opéra Garnier à Paris. Et on a donc pu entendre un premier extrait de la musique du show et pu voir à quoi ça allait ressembler. Alors, je trouve personnellement que ça a de la gueule, mais quelques petits bémols comme les costumes des pirates que je trouve extrêmement colorés, extrêmement flashy. Bon, Disneyland nous a quand même habitués à plus subtil, on va pas se le mentir. Et je trouve ça quand même pas super top. Mais pour ce qui est des costumes des princesses, ils sont assez réussis, je dois le dire. Que ce soit les costumes des princesses en elles-mêmes ou des danseurs, qui sont d'ailleurs des reprises, il me semble, des costumes de la saison Swing Into Spring dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la chorégraphie a l'air top, ça a l'air d'être un show vraiment top. Hâte de voir ce que ça sera en vrai. Pour ce qui est des décorations, on a vu à quoi ressembleraient justement ces décorations qui seront placées sur les lampadaires de Central Plaza. Donc pour ce qui est de la team pirate, les lampadaires seront décorés avec tout simplement des bandeaux de pirates. Par-dessus eux, je trouve ça assez sympathique, bien que ce soit peut-être un peu cheap, et je préfère les décorations des lampadaires de la team princesse qui avaient déjà été utilisées également pour la saison Swing Into Spring, donc ça fait quand même pas mal de recyclage, mais ça me dérange pas plus que ça. Qui sont donc des têtes de Mickey dorées, et c'est, je trouve, assez joli. Voilà pour ce qui est de ce show, je vous laisse rapidement écouter un extrait de la musique du show, et puis on se retrouve juste après pour continuer à parler de l'actualité. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça franchement sympathique. La musique est assez rythmée, assez moderne. Là, on est plutôt dans la lignée, comme j'en parlais tout à l'heure, de la Disney Star Zone pareil, sauf que là, je trouve ça pas mal. Et je pense que sur le parc, ça va vraiment être du plus bel effet. Une musique rythmée comme ça, avec l'interaction avec les guests, etc., je pense que ça va vraiment bien rendre. Et alors, il y a un point sur lequel je n'ai pas donné mon avis pour ce qui est de ce show, c'est tout simplement les chars. Alors, on a vu quelques photos des chars, je peux vous laisser aller les voir sur internet et ils sont facilement trouvables. Pour ce qui est du char des pirates, il m'a l'air plutôt sympathique puisque dessus, il devrait y avoir des espèces de trampolines et de voltigeurs qui seront présents tout au long du show. Et ça, je pense que ça va vraiment être impressionnant. Mais, l'avant du char a tout l'air d'être une reprise d'un char de la Disney Magic on Parade, qui était le char des pirates de Peter Pan, qu'ils ont décidé de rethématiser, comme on a pu voir une photo sur Twitter, de manière très colorée, encore une fois très flashy, et comme je vous l'ai dit précédemment, je trouve pas ça hyper subtil, ça fait un peu enfantin, mais enfantin... vraiment, justement, oui, pas très subtil et un peu vulgaire. C'est généralement dire que c'est enfantin, ça devrait pas être un défaut. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, je trouve vraiment pas ça top et c'est quand même un peu cheap. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut et peut-être qu'avec les costumes et avec l'ambiance que ce show va amener, ça va finalement bien rendre. Et pour ce qui est du char des princesses, eh bien. On a vu la photo également, enfin un concept art, et ça m'a tout l'air d'être un recyclage de char, encore une fois, d'un char de la Magic on Parade qui était le char sur lequel il y avait Mickey. Si vous vous souvenez bien, il y avait un espèce de rocher, il y avait Mickey dessus. Et bien, ils l'ont rethématisé dans le thème des princesses, un peu printanier et floral. Donc, il a l'air plutôt beau. Ça me dérange pas que ce soit une rethématisation pour le coup, puisque ça a l'air bien fait. Mais il n'y aura pas qu'un seul show durant cette saison, puisqu'on note également qu'il y aura une nouvelle animation 6 fois par jour, où Jack Sparrow tentera de recruter des nouveaux moussaillons pour son futur équipage du Black Pearl, en chant et en danse près du Jolly Roger à Adventureland. Ça peut être sympathique, j'attends de voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Apparemment, ça sera une animation vraiment orientée enfant. On aurait préféré une animation où on pourrait rejoindre Jack Sparrow pour se bourrer la gueule avec lui, mais bon, ça n'est pas le cas, hein. Voilà, on plaisante bien sûr, petite dédicace à rien que d'y penser. Et il y aura également Elena, Davalor et Princesse Sophia qui défileront 4 fois par jour sur le pont du château. Alors, je n'ai aucune idée de qui sont ces deux princesses. Apparemment, ça provient de séries télé Disney Channel, mais je ne suis absolument pas ça, et pour moi, c'est un peu de la princesse Disney Discount. Alors oui, ça clash un peu ici, mais bon, je suis désolé. C'est comme le Jack au pirate, il me semble, quelque chose comme ça, qui sera présent sur le char des pirates. Bon, bah, j'aurais préféré qu'il y ait, par exemple, Jack Sparrow, mais bon, c'est pas grave. Ils essayent de faire vivre leur franchise Disney Channel. Je trouve pas que ce soit le bon endroit pour le faire, mais chacun ses goûts. Et bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà pour ce qui est de la saison Pirates et Princesses, on en a assez parlé comme ça. Et passons de suite à l'été des super-héros Marvel qui arrivera du 10 juin au 30 septembre 2018 au Walt Disney Studios. Et bien que je ne sois pas fan des films Marvel, ce ne sont pas des films qui me marquent, j'attends avec impatience cette nouvelle saison car je trouve ça frais. Voilà enfin quelque chose qui apporte de la fraîcheur et qui va, je pense, donner un nouvel élan au Walt Disney Studios. Je ne fais pas partie de ces gens qui sont là à dire que Marvel n'a rien à faire dans un parc Disney. Non, je ne pense pas. Au contraire, Disney a énormément de franchises et ça serait bête de ne pas utiliser ces franchises tout simplement. Et une des grandes nouveautés de cette saison sera un nouveau show Marvel au sein de Cinémagique, donc un show de cascade. Et les travaux avancent bien puisque l'enseigne de Cinémagique a été démontée. Une petite pensée tout de même à Cinémagique qui est un show que j'appréciais. Mais Disneyland n'est pas un musée, les choses sont faites pour changer. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Juste derrière Disney Junior, c'est le bâtiment Backstage Kiara qui est en train de sortir de terre. Un bâtiment qui sera donc utilisé, il me semble, pour les futurs shows Marvel, justement. Et une grosse annonce aussi, enfin, entre guillemets. L'arrivée de Black Panther, et je trouve ça vraiment bien. Alors, je n'ai pas vu le film, je ne souhaite pas forcément le voir, mais ce qui est vraiment bien, c'est que d'habitude, les nouveautés US, les nouveaux personnages US, on les a chez nous 1 an, voire 2 ans après, et là, on l'a quasiment en simultané. C'est-à-dire que c'est un personnage qui vient juste d'apparaître en Amérique et qu'on va également avoir dans nos parcs français. Donc ça, c'est plutôt cool. Vraiment, pour une fois qu'on s'aligne avec les parcs américains, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc je ne sais pas s'il sera dans un meet and greet, dans un show ou dans les deux. Nous verrons bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Captain America remplacera Spider-Man au Disney Blockbusters Café en tant que meet and greet durant cette saison Marvel. Et Spider-Man va être transféré au Disney Junior pour les séjours signature Marvel. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les séjours signature Marvel ? Eh bien, c'est la prochaine news que nous allons commenter. En effet, les séjours signature Marvel et Célébration seront disponibles du 10 juin au 30 septembre 2018. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour ce qui est du séjour signature Marvel, on va avoir tout simplement la possibilité d'avoir un package qui inclura des nuits d'hôtel, les entrées au parc, un photopass, une rencontre très exclusive avec Spider-Man, alors exclusive entre guillemets, puisqu'il était avant disponible en meet and greet gratuitement sans avoir besoin d'un package, et un dîner buffet américain avec des personnages Marvel comme Thor, Captain America, il me semble, Black Widow aussi. Et ça, c'est plutôt sympa d'ailleurs, je pense que ça peut valoir le coup tout de même. Et une carte cadeau de 60€ à dépenser dans les parcs Disney. Alors il faut savoir, il me semble, que si vous avez des passeports annuels, le photopass si vous avez un Infinity et les billets d'entrée seront déduits du prix. Ce qui peut être donc assez intéressant. Je n'ai pas les prix sous les yeux, mais il me semble que ça reste assez raisonnable pour ce que c'est. Et donc voilà, pourquoi pas tenter. Il y a également le séjour signature Célébration, qui inclut donc comme le séjour précédent, enfin le package précédent, des nuits d'hôtel, les entrées, les photopass, un goûter Disneylicieux avec Mickey, Minnie et Dingo, le Lucky Nuggets. Alors ça, c'est vraiment, je trouve très sympa parce que j'aime beaucoup le Lucky Nuggets. C'est vraiment un restaurant que j'apprécie. Donc voilà. Et vous avez également un VIP Fastpass valable pour un jour seulement et un sac rempli de surprises Disney. Alors le gros atout de ce pack et ce qui me donne vraiment envie, c'est le VIP Fastpass. Parce que ça, vraiment, je peux vous dire que ça change tout. Imaginez faire BTM en boucle. Enfin bref, le VIP Fastpass, vraiment, je trouve que ça change tout. Et c'est vraiment un ajout de qualité. Enfin, un ajout. C'est vraiment un ingrédient de ce package qui peut valoir le coup. Donc voilà, je vous conseille d'aller vous renseigner sur les sites, d'aller voir les prix et tout simplement de voir si ça vous intéresse ou pas. Ça prouve bien que Disneyland essaye de se diriger de plus en plus vers des offres de package, des offres un peu privilèges, un peu de luxe, et veut élargir sa clientèle. Donc, Disney a teasé ce jour même, le jour même de l'enregistrement de ce podcast, les jours très très magiques qui auront lieu du 9 avril au 27 avril. Alors, on n'en sait pas plus que ça à l'heure où j'enregistre ce podcast. Les rumeurs parlent d'une rencontre avec à peu près un peu plus de 60 personnages, des visites VIP du château. C'est plutôt sympa ça, il n'y en avait jamais eu auparavant. Imaginez peut-être accéder à un des balcons supérieurs, bon alors j'y crois pas trop, mais c'est possible. Hein. Et également avec, on parle aussi d'une visite VIP de Star Tours comme ça peut se faire avec les visites guidées il me semble, où on vous montre la cabine secrète où vous pouvez voir un Star Speeder en plein vol. Donc voir le simulateur en plein vol, donc c'est plutôt sympa et intéressant, voir comment ils vont tourner ça, est-ce que ce sera en supplément, est-ce que je ne sais pas comment ça va se passer d'ici que ce podcast soit publié, on aura sûrement d'autres informations. Je vous conseille donc d'aller voir sur Twitter un peu ce qui se dit et voilà, vous en saurez donc un peu plus. La partie news de ce podcast est terminée. C'était assez riche quand même en news, mais on a fait le tour. Et on va directement passer au dossier du jour, le futur de Disneyland Paris, un nouveau départ. Et c'est parti, nous allons parler du futur de Disneyland Paris. Un futur qui a longtemps été tout de même assez flou, car ça fait depuis l'ouverture de Ratatouille que pas mal de fans s'amusent à faire des théories sur quel sera tout simplement l'avenir du parc. Certains parlaient de l'attraction Indiana Jones Adventure qui pourrait éventuellement arriver à Adventureland. Bon, je n'y croyais personnellement pas trop. On parlait également de séparer le parc Walt Disney Studios en deux, avec d'un côté Marvel Land, donc du côté de Backlot, et de l'autre côté Pixar Land, puisque on peut dire que c'est déjà un petit peu le cas avec donc la zone Ratatouille, Toy Story Playland. Mais, les choses se sont précisées le 27 février dernier, lors d'une rencontre avec le président de la République Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée. Robert Iger, le président-directeur général de la Walt Disney Company, a annoncé un plan d'investissement et de développement sur plusieurs années de 2 milliards d'euros pour Disneyland Paris. Ce nouveau plan d'expansion comprend une transformation du parc Walt Disney Studios, incluant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, la Reine des Neiges et Star Wars, ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles. Ce développement pluriannuel sera déployé par phase à partir de 2021 jusqu'en 2025 et agrandira significativement, excusez-moi, le parc Walt Disney Studios. Voilà pour ce qui est de la version officielle. Je l'ai lâché. C'est juste incroyable. Alors, je vous raconte même pas dans quel état j'étais quand j'ai appris la news. J'étais tranquillement sur Twitter à regarder les news comme tous les jours. Et là, tout d'un coup, je vois ça, 2 milliards d'euros investis à Disneyland Paris, c'est tout simplement incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste le plus gros investissement fait de tout parc Disney confondu. Et là, je ne rigole même pas, puisque même la refonte de Disney California Adventure avait coûté moins cher. Et pourtant, il y avait du boulot à faire. Il y avait l'arrivée de Cars Land, de la Buena Vista Street, etc. Et là, 2 milliards d'euros. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 milliards d'euros? Eh bien, comme je viens de vous le dire, on va avoir un Land Marvel, un Land de la Reine des Neiges et un Land Star Wars au parc Walt Disney Studios. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc, ce qu'on va faire, maintenant que je vous ai annoncé l'aspect officiel, on va analyser ensemble le concept art qui nous a été dévoilé en même temps que cette annonce d'expansion du parc. Et on va le décortiquer tout simplement, eh bien, détail par détail. Et ensuite, une fois qu'on aura fini de décortiquer et d'amener nos théories sur ce concept art, eh bien nous parlerons du Disneyland Park et du Disney Village assez rapidement, puisque aussi sont concernés par le futur de Disneyland Paris, bien évidemment. Allez, c'est parti, on va analyser le concept art. Et donc, ça y est, j'ai le concept art sous les yeux et je vous invite à faire de même, pour pouvoir suivre avec moi tout simplement mon analyse de la chose. Donc la première chose qu'on remarque, c'est au niveau de Frontlot et du Studio 1, puisqu'on voit que des deux côtés du Studio 1, les allées ont été ouvertes et dégagées, ou en tout cas semblent l'être, pour laisser passer le flux de visiteurs. Alors ça me semble pas déconnant, et ça me semble pas être juste une petite folie de la personne qui a dessiné ce concept art, puisqu'on va quand même avoir Marvel Land, Star Wars Land et Frozen Land. Ce qui est assez énorme et ce qui va, je pense, amener un nombre considérable de visiteurs dans le parc. Et étant donné que le studio 1 est assez étroit, ça me semble normal que les allées du côté soient ouvertes pour eux. Voilà, donc pour ce qui est du studio 1 en lui-même, il a l'air d'avoir un petit peu changé. La forme de l'entrée a l'air d'avoir un petit peu changé. J'ai l'impression que l'inscription numéro 1, donc studio 1, a disparu pour laisser place à une espèce de hublot. Mais sache, on verra bien si ça va changer ou pas, mais je pense que c'est plus une petite folie de la personne qui a dessiné le concept art. Donc voilà pour ce qui est du studio 1, on part sur un élargissement des allées globalement. Et juste derrière le studio 1, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le Hollywood Tower Hotel est toujours présent. Sur ce concept art, il n'est pas modifié en gardien de la galaxie, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient au final, puisque l'attraction La Tour de la Terreur, comme je vous le rappelle, de Californie, a récemment été transformée en version Mission Breakout, donc des Gardiens de la Galaxie. Et l'attraction a un très grand succès, donc on pensait qu'elle allait venir en France, puisque c'est une rethématisation qui ne coûterait pas excessivement cher, qui serait facile à faire et qui plairait au plus grand public, peut-être pas aux fans, mais bon. Voilà, donc là on remarque qu'elle reste pour le moment, hein. Je dis bien pour le moment parce que ça m'étonnerait pas que dans quelques années ou même peut-être dans un futur très proche, elle soit finalement bel et bien modifiée. Donc, nous verrons bien. En tout cas, ça fait du coup un peu bizarre puisqu'elle a l'air d'être assez quand même collée au Land Marvel. Et donc, on est un peu sans transition. On passe sans transition du Land Marvel au Land Hollywood, entre guillemets. De plus, on voit qu'à côté de la Tour de la Terreur, on a une espèce de petit bloogie-boulga jaune qui ressemble à un vaisseau Xandarien, donc à un vaisseau de Les Gardiens de la Galaxie. Est-ce que c'est un indice pour nous dire que la tour va bientôt être transformée? Bon, ben, je ne pense pas, puisque le vaisseau qu'on peut voir sur le concept art se trouve à la place du vaisseau de Armageddon, et donc est plutôt collé à ce bâtiment-là. Voilà. Donc là, on divague un peu, on va de suite passer à l'allée qui se trouve juste après le studio 1 et qui va mener à un immense lac. Et oui, on va avoir un lac au Walt Disney Studio, un lac qui sera là pour relier les trois nouvelles zones thématiques que sont Star Wars Land, donc Star Wars Galaxy's Edge, je pense, mais on va en reparler tout à l'heure, et Frozen Land, ainsi que Marvel. Même si Marvel Land n'a pas l'air d'être accroché au lac, mais bon, on verra bien comment tout ça va s'agencer. Et donc, dans cette allée, cette grande allée qui mène au lac, donc tout droit dans la lignée du studio 1, ben on remarque qu'elle n'est pas thématisée. C'est simplement une allée avec des arbres autour et des banderoles. Et on a l'impression qu'il y a des espèces de petites cabanes qui longent l'allée. C'est assez étrange, on dirait les cabanes du Festival Gourmand, si vous vous souvenez bien. Alors je ne sais pas si ça va rester comme ça. Pas mal de gens disent que on devrait avoir un Hollywood Boulevard, mais que celui-ci n'a pas été annoncé et n'est donc pas apparu sur ce concept art pour ne pas brouiller tout simplement notre vision et notre regard qui va directement vers le fond du concept art avec les trois nouveaux lands. Donc, à voir si ça va rester comme ça me paraît assez étrange que Disney fasse comme ça une longue allée non thématisée, seulement avec des espèces de petites cabanes. On verra bien comment ça s'agence, mais moi personnellement, je pense que les choses vont changer et on verra bien ce que ça va donner. Si donc on continue depuis le studio 1, la sortie du studio 1 sur notre droite, eh bien on remarque que Toon Studio n'a pas changé. Et non, le Land Toon Studio n'a pas changé. Art of Animation est toujours là. Alors, je pense que ça devrait changer en quelque chose comme un meet and greet ou quelque chose comme ça, parce que bon, l'attraction Art of Animation, elle est un peu morte, on va pas se mentir. On remarque également que Cars est également là, les tapis d'Aladdin sont toujours là, Crush Coaster est là, et Toy Story Playland et la place de Rémi sont toujours là également. Mais petite modification à la Toy Story Playland, puisqu'on voit un nouveau bâtiment, plus précisément deux nouveaux bâtiments, apparaître sur la carte, un qui ressemble trait pour trait au nouveau bâtiment qui accueillera l'attraction Alien Swirling Saucers à Walt Disney World dans leur nouveau Toy Story Land. Alors est-ce qu'on va du coup avoir cette attraction-là ou est-ce que ce sera simplement un restaurant mais qui reprendra la même architecture que ce bâtiment? C'est un peu le suspense, mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'on ait cette attraction. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, je vais rapidement vous expliquer. Ça va être une attraction donc présente à Walt Disney World, qui est un peu similaire à celle de Cars qu'on peut avoir chez nous, c'est-à-dire des espèces de voitures tournantes. C'est assez difficile à expliquer, je vous laisse aller voir sur internet. La seule différence avec notre attraction Cars serait que là on serait tiré par les aliens et que nous on serait donc à l'arrière. Et donc voilà, ça peut être assez fun, ce serait une bonne attraction familiale, plutôt orientée enfant. Et ça amènera toujours de la nouveauté, donc c'est assez cool. Et juste derrière, on a un petit bâtiment dont on ne connaît pas, dont on ne sait pas ce que ce sera. Alors je mise sur un restaurant ou quelque chose du genre, parce que le parc Walt Disney Studios manque considérablement de restaurants. À part en coulisses, le café des cascadeurs pour ce qui est du niveau fast-food, et pour ce qui est du niveau service à table, le bistrot chez Rémi. Et le restaurant des stars pour buffet à volonté, ça manque de restaurants. On n'a que des petits stands disposés un peu de partout dans le parc. Et clairement, avec toutes les nouveautés qu'on va avoir, il va falloir apporter une offre de restauration plus grande. Donc, je mise sur un restaurant pour ce petit bâtiment qui se trouvera au Toy Story Playland, accompagné de la nouvelle attraction, enfin, je le suppose. Et maintenant, passons au côté gauche des Walt Disney Studios avec le Marvel Land. Et passons donc à une des plus grosses nouveautés, une des trois grosses nouveautés de ce plan d'expansion, c'est le Marvel Land qui va remplacer notre actuel Land Backlot, qui est donc Hangarland, le pire land jamais créé de l'histoire de tous les parcs Disney du monde. C'était absolument catastrophique, vous avez l'impression d'aller au Leclerc du coin. Enfin bref, ça c'est fini, c'est du passé, et désormais on va être un des premiers parcs à avoir un land entier thématisé sur Marvel, et ça c'est quand même assez beau. Comme je vous l'ai dit précédemment dans le podcast, je ne suis pas fan de Marvel, donc forcément ça ne m'enchante pas énormément, mais je suis extrêmement content pour le parc parce que ça va apporter de la fraîcheur, ça va être cool, et on va avoir un aspect... une architecture qui, je pense, va valoir le coup, quelque chose de plus urbain, quelque chose de différent. C'est pour ça que je dis que c'est frais, ça va apporter de la maturité au parc, et vraiment, ça peut être sympathique. Alors, rentrons dans les détails. Tout d'abord, on remarque que le bâtiment qui accueille actuellement Stitch Live et Disney Junior a l'air d'être modifié, et éventuellement un peu agrandi, j'ai l'impression, à voir ce qu'ils vont faire à cet endroit-là. Alors, est-ce qu'on va avoir une nouvelle attraction à cet endroit-là? J'en doute. Personnellement, je ne pense pas. Ça m'a l'air quand même assez petit pour pouvoir accueillir une nouvelle attraction. Mais bon, qui sait? Peut-être un meet and greet, c'est possible. De toute façon, pour moi, ça me paraît assez inenvisageable d'ouvrir un Marvel Land sans un meet and greet de super-héros. Un endroit où on pourrait rencontrer Iron Man, Thor, Captain America, Black Panther et tous les nouveaux héros qui sortiront au fil des films. Ça me paraît assez logique et tout simplement dans la stratégie, parfaitement, ça colle parfaitement avec la stratégie Disney actuelle qui est de faire revenir beaucoup de personnages dans les parcs. Alors où sera ce meet and greet? Est-ce qu'il sera ici ou ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, ce bâtiment-là de Disney Junior change. On n'en sait pas plus, on verra bien ce que ça va donner. Et juste en face, comme je vous l'ai dit plus tôt, on remarque un vaisseau Xandarien. Ce qui semble être un vaisseau des Gardiens de la Galaxie Xandarien, à la place du vaisseau d'Armageddon actuel. Armageddon, une des pires attractions jamais créées également. Et donc, que va devenir Armageddon? On voit que le bâtiment change, que l'architecture du bâtiment change. On a une espèce de forme un peu... arrondi, assez bizarre. Alors, les rumeurs, je dis bien les rumeurs, hein, ça c'est vraiment des théories là, de tout ce dont on parle maintenant, misent sur une attraction Ant-Man, la même qui devrait remplacer l'attraction Buzz l'éclair à Hong Kong Disneyland. Donc ce serait un peu le même principe que Buzz Lightyear Laser Blast, mais en beaucoup plus technologique et avec tout simplement dans l'univers d'Ant-Man et des Avengers. Alors pourquoi pas, hein, c'est possible, le bâtiment paraît assez petit pour accueillir une attraction de cette envergure-là, mais, on remarque que derrière la Tour de la Terreur, on a un grand espace vert et vide. Beaucoup de personnes pensent qu'il y aura un nouveau land à cet endroit-là, plein de nouvelles choses, mais il faut pas oublier qu'il faut de la place pour les backstage. Donc je ne pense pas qu'on ait de grosses nouveautés derrière la Tour de la Terreur, mais peut-être un bâtiment backstage qui cacherait cette nouvelle attraction sur Ant-Man, ou une autre nouvelle attraction quelconque. Mais en tout cas, si le bâtiment d'Armageddon n'est actuellement pas modifié, il est trop petit pour accueillir une grosse attraction, et je verrai donc bien un meet and greet, éventuellement avec les Gardiens de la Galaxie, ou quelque chose comme ça, puisqu'on a un vaisseau juste à côté qui est semblable à celui-ci. Donc nous verrons bien ce que ça va donner, hein. Je vais dire ça à chaque fois, mais on n'en sait pas plus. Donc là, je ne fais qu'avancer des théories. Voilà pour ce qui est d'Armageddon, c'est le suspense. Et en face, donc le Café des Stars, lui, je pense, restera un restaurant. Comme j'ai dit plus tôt, le parc Walt Disney Studios a besoin de restaurants. Je ne vois pas pourquoi il le changerait. Alors, buffet à volonté avec rencontre personnage Marvel, ce serait une bonne idée. À voir ce qu'ils vont faire avec ça. Et en plus, c'est possible, puisque je vous rappelle que dans le package Marvel, le package signature Marvel, il va y avoir un repas avec les personnages Marvel. Donc pourquoi pas faire quelque chose du même style, mais tout simplement dans un lieu fixe, à la place du Café des Stars, qui sera aussi rethématisé, comme on peut le voir, dans des tons un peu bleutés, un peu métalliques, tout simplement. Tout ça rappelle bien l'univers Marvel, futuriste et en même temps assez urbain de la chose. Juste en face, on retrouve, enfin en face, un peu plus sur le fond, on a tout simplement Moteur Action, dont on voit encore les gradins, mais qui est complètement également rethématisé en Marvel, puisqu'on voit le vaisseau des Avengers, ou ce qui semble être le vaisseau des Avengers juste devant. Alors, tout nous laisse penser qu'on aura un stunt show Avengers à cet endroit-là, et ça peut être vraiment top, vraiment. S'il modifie le décor avec peut-être quelque chose de plus new-yorkais ou futuriste, ça peut être impressionnant quand même. Imaginez un stunt show avec Iron Man, Spider-Man, etc. Vraiment, ça peut être super impressionnant. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à cet endroit-là. Et beaucoup de personnes pensent qu'il va y avoir une nouvelle grosse attraction Marvel, un gros e-ticket à cet endroit-là. Je ne pense pas. Moi, je vois clairement les gradins qui sont encore présents. Donc pourquoi pas un stunt show? Pourquoi pas réutiliser l'espace déjà présent au final, puisque ça amènerait quelques économies. Car 2 milliards d'euros, certes, c'est beaucoup, mais avec toutes les nouveautés qu'on va avoir, il faut quand même penser à bien contrôler le budget. Et en face du moteur action actuel, on retrouve le célèbre Rock'n'Roller Coaster, qui, comme on le sait depuis maintenant un petit bout de temps, va être thématisé en une attraction Iron Man et les Avengers, enfin principalement Iron Man. Donc le ride en lui-même ne changera pas, ce sont tout ce qui est thématisation qui va changer. Donc les décors vont changer, la file d'attente va changer, comme on a pu le voir sur le concept art. D'ailleurs, je pense que l'entrée va être un peu agrandie pour permettre d'avoir une file d'attente vraiment super bien thématisée. En tout cas, de ce qu'on en voit sur le concept art, ça a l'air super beau. Et pour ce qui est de l'entrée, elle a l'air maintenant un peu ovale. Donc voilà pour ce qui est du Rock'n'Roller Coaster. Quand le Land Marvel ouvrira, je vous inviterai à venir débattre avec moi ici dans ce podcast, si vous le désirez, puisque je ne suis absolument pas fan de sensations fortes. Mon maximum, c'est Big Thunder Mountain, bien que je sois fan de Big Thunder Mountain, c'est vraiment mon maximum. Donc, pour avoir un avis extérieur sur cette attraction, je vous laisserai venir débattre avec moi dans ces podcasts. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du Marvel Land. Petit détail aussi, on va avoir un petit aperçu de ce que les shows pourraient donner cet été, donc avec la saison Marvel, comme on a parlé un peu plus tôt, et l'Alliance des super-héros, qui sera le spectacle qui se trouvera dans Cinémagique. Voilà. On passe maintenant au lac, avant de passer à Star Wars Land et à Marvel Land. C'est parti. Et ça peut paraître étrange, mais j'attends beaucoup plus le lac que le Marvel Land. Alors, vous allez me dire pourquoi ? Parce que j'adore les espaces dans les parcs Disney où on peut tout simplement s'asseoir, se détendre, observer le paysage et profiter de l'ambiance, profiter du calme. Et là, ça manquait vraiment de verdure au Walt Disney Studios, ça manquait d'eau, ça manquait vraiment de, oui, de nature. C'était vraiment un parc très, très hangar, très, très urbain, pas très Disney au final, enfin, pas très Disney dans le sens de la qualité. Et là, on a un lac immense qui va venir relier les trois landes, et c'est juste génial. Je pense qu'il devrait être assez grand quand même, hein, puisque on va avoir plusieurs landes disposées autour et il y a pas mal d'espaces vides qui pourront éventuellement venir se compléter avec de nouveaux landes pour vraiment créer un parc hyper complet, un parc vraiment combo avec tous les meilleurs landes récents créés par la Walt Disney Company, et on aurait simplement le parc ultime, le parc qui pourrait regrouper Star Wars Land, Frozen Land, Marvel Land, un espèce de Pixar Land, peut-être même Cars Land, peut-être même le monde de Pandora, d'Avatar, je ne sais pas, ça c'est, là, c'est de la pure théorie, mais ça serait vraiment le parc ultime. Revenons au lac. On remarque que sur le lac, il y a des fontaines. Et alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, c'est très simple, ça signifie show nocturne sur le lac. Et enfin, on va avoir un vrai show nocturne consistant au Walt Disney Studios. Alors, les shows de la Tour de la Terreur sont pas mal, mais là, ça va être juste incroyable. Imaginez un World of Color, un Fantasmic ou un spectacle là de cette envergure sur le lac. Alors, bon, à voir ce qu'ils vont faire au niveau du spectacle. Est-ce qu'on va avoir un World of Color ou une copie d'un spectacle américain ? Fantasmic, je ne pense pas, parce qu'on a quand même besoin d'une scène pour Fantasmic où Mickey est disposé, où est le dragon arrive, etc. Donc non, World of Color, c'est probable, il y a l'air d'avoir des fontaines, donc oui. Ou peut-être une création originale, qui sait, nous verrons bien. Il y a également un bateau sur le lac, donc bon, pourquoi pas, ça fera toujours une petite attraction de transport, comme on les aime. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup les attractions de transport à Disneyland, ne me demandez pas pourquoi, j'adore le Disneyland Railroad, même si on est 10 fois plus rapide à pied. Donc ça peut être sympa, clairement, ça sera pas le moyen le plus rapide de se déplacer autour du lac, mais je suis pour, ça apportera de l'ambiance, de la vie. Et ça, c'est toujours cool. Voilà pour ce qui est du lac. Et qu'est-ce qui se trouve à la gauche du lac ? Star Wars Land. Et oui, on va avoir un land Star Wars et ça, c'est ce que j'attends le plus. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux que ce land Star Wars arrive. C'est juste incroyable. Quand il avait été annoncé pour les parcs américains, j'étais comme un dingue. Je suivais toutes les actualités de très près, les maquettes, etc. Ça avait l'air d'être incroyable. Et là, je m'attendais à tout sauf à ça. Enfin, je veux dire, je m'attendais au maximum à un land Marvel, pas plus. Et là, on nous annonce un Star Wars Galaxy's Edge chez nous. En France, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors pourquoi je dis Star Wars Galaxy's Edge alors que le nom n'a pas été dévoilé pour notre parc français ? Car on remarque clairement que l'architecture est la même. Enfin je veux dire, là vous ne pouvez pas dire le contraire. On a les mêmes formations rocheuses, la même architecture de bâtiment. On a l'air d'avoir la même place. Enfin c'est vraiment, on est sur la même architecture. Alors après, la question qui mérite un peu... Et qui peut faire peur, c'est est-ce qu'on va avoir l'entièreté de Star Wars Galaxy's Edge ? Alors, avant que je parle de notre version française, il faudrait quand même faire un point sur la version Star Wars Galaxy's Edge des parcs américains. Qu'est-ce que ce sera ? Eh bien, c'est très simple. Il devrait y avoir deux grosses attractions. Une première qui consistera à piloter en groupe le Faucon Millennium, donc une attraction interactive, un espèce de Star Tours interactif au final, et dans lequel il y aurait plusieurs scénarios différents suivant nos actions effectuées dans l'attraction. Donc vous pourrez très bien crasher le vaisseau, ou alors réussir la mission qu'on nous demande, etc., etc. Donc ça c'est pour ce qui est de la première attraction, donc pilotage du Faucon Millennium. Pour ce qui est de la deuxième attraction, et c'est celle que j'attends le plus, c'est Battle Escape, Star Wars Battle Escape. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un immense dark ride, on nous l'annonce comme étant le plus gros dark ride jamais créé dans un parc Disney. On parle du double, en termes de nombre, on parle du double d'animatronics que se présente dans Pirates des Caraïbes. Donc le double, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on imagine une attraction donc avec une armée entière de Stormtroopers en animatronics, avec des créatures Star Wars en animatronics, enfin bref, ça va être juste dingue. L'attraction devrait normalement avoir lieu sur 2 étages entiers, il y aura même un AT-AT géant dans le bâtiment. C'est complètement démentiel et j'espère qu'on aura donc cette version-là, cette attraction-là à Disneyland Paris également. Donc dans les Landes américains, on devrait également avoir une cantina, enfin ce qui serait semblable à une cantina, donc un restaurant rempli de créatures étranges et de contrebandiers. Et on devrait également avoir diverses boutiques et des lieux de rencontre avec les personnages. Voilà donc pour ce qui est des parcs américains. Et la question du coup c'est est-ce qu'on va avoir les deux attractions en France ? Parce que en Amérique, ce land va quand même faire une superficie de 5,7 hectares, ce qui est immense. Et là, sur le concept art français, on a l'impression d'avoir juste une toute petite partie du land. Donc c'est assez spécial, on n'a même pas le Faucon Millennium dessus, on a le X-Wing de Poe Dameron, enfin, du moins le X-Wing de la Résistance, si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez spécial. Pourquoi avoir mis un X-Wing là où sur les parcs, dans les parcs américains, au même endroit, on place un Faucon Millennium ? C'est quand même plus vendeur le Faucon Millennium. Donc est-ce que ça voudrait dire qu'on n'aurait pas l'attraction du Faucon Millennium, mais qu'on aurait uniquement l'attraction Battle Escape ? Je ne sais pas. Alors ça ne me dérangerait pas, puisque l'attraction Battle Escape, c'est celle que j'attends le plus. Après, avoir un Star Wars Land coupé en deux, ça serait pas forcément top, quoi. On nous annonce un Star Wars Land, autant y aller à fond et tout nous faire. Donc on verra bien, on va pas se plaindre. On a un Star Wars Land, c'est juste génial. Je vais donc vous lire rapidement quelle est l'histoire de ce nouveau land Star Wars, parce que ce qui est vraiment génial, et je pense qu'ils ont tout compris à ce niveau-là, c'est qu'au lieu de recréer une planète de Star Wars qui existe déjà comme Tatooine ou Naboo, ils ont créé une toute nouvelle planète Star Wars qui ne sera présente que dans les parcs et qui fait désormais partie de l'univers Star Wars. Donc c'est simplement génial de découvrir une planète spécialement créée pour les parcs et qu'on n'aura jamais vue ailleurs auparavant. Donc ce village excentré était autrefois un carrefour bordant les anciennes routes commerciales de la galaxie. À la suite de la mise en place des routes hyperspatiales, jugées bien plus rapides, cette planète a été quelque peu délaissée. À présent, c'est le parfait repère pour ceux ne souhaitant pas vivre sous l'empire du Premier Ordre et sert aujourd'hui de port de commerce prospère pour les passeurs, les bandits et autres voyageurs s'aventurant vers les régions inconnues. Alors, est-ce que ça vous donne pas envie, franchement, genre, c'est tout ce qu'on aime dans Star Wars, c'est-à-dire une planète un peu abandonnée, entre guillemets, pas abandonnée, mais un repère de contrebandiers où on côtoie vraiment le mal et le bien dans le même endroit, où on rencontrerait des êtres un peu bizarres, et c'est tout ce qu'on aime dans Star Wars, et ils n'ont pas voulu faire quelque chose de trop édulcoré, j'ai l'impression. Bon, bien sûr, ça reste Disney, mais... Ici, on nous présente ça clairement comme une planète avec le Premier Ordre d'un côté, donc qui aurait occupé une partie du land, et la Résistance qui occuperait une autre partie du land. Et donc l'attraction Battle Escape se trouverait par exemple dans le land du Premier Ordre, enfin dans la partie du Premier Ordre, et l'attraction du Faucon dans la partie de la Résistance. Et donc ça, c'est vraiment bien foutu, je trouve, le fait d'avoir intégré vraiment cet aspect un peu finalement de menace au sein du land. Autre chose qui est vraiment bien avec ce land Star Wars, alors oui j'en parle beaucoup mais c'est ce que j'attends le plus, c'est qu'il devrait être apparemment interactif. Alors en quoi il serait interactif? Imaginons que vous faites l'attraction du Faucon Millennium si elle est présente en France et que vous échouez votre mission, que vous tout simplement vous plantez avec le vaisseau. Eh bien, si vous allez par exemple ensuite à la cantina, on dira de vous que vous êtes un très mauvais pilote. Ou si vous faites telle action dans le parc, eh bien, un personnage, un droïde, pourra vous le rapporter, etc., en parler. Enfin bref, un système vraiment de répercussion de toutes les actions que vous faites, comme si vous vivez une vraie aventure et que vous étiez quelqu'un vraiment qui vivait dans ce land. Donc voilà, cet aspect-là, tout simplement, de vouloir apporter de l'interaction entre guests et tout simplement animatronics ou je sais pas, peut-être écran, ben c'est vraiment super sympa et ça permettra, ça vraiment, c'est un niveau d'immersion en plus. Là, on franchit un cap. Si on a vraiment cette version-là de Star Wars Galaxy's Edge interactive, mais alors là, ça va être tout simplement la folie, hein. Enfin, je veux dire, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner. Le land, on a vu les maquettes, a l'air hyper détaillé. Enfin, ça va être complètement dingue. Voilà pour ce qui est du land Star Wars. J'en attends beaucoup. Et on en reparlera un peu plus tard dans le podcast, puisque on va parler ensuite, une fois qu'on aura fini avec ce concept art, du Disney Village, du parc Disneyland et peut-être de futurs hôtels à venir, qui sait. Et on passe de suite au Frozen Land. Et oui, ça y est, Frozen, la Reine des Neiges, a enfin droit à un land dédié. Alors moi, je pensais plutôt qu'ils allaient faire ça dans l'optique d'un New Fantasyland, donc au parc Disneyland, mais non, ça va se faire au Walt Disney Studio, et le land va être juste en face du lac, dans la lignée du Studio 1 et de la Grande Allée. Et ça risque d'être assez impressionnant. Et ils vont peut-être enfin arrêter de nous mettre du Frozen un peu partout dans le Disneyland Park, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Là, on va avoir une vraie zone thématique Frozen. Et même si je suis pas très fan des films, ben j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'on va, je pense, avoir une ambiance à la Fantasyland. Imaginez être à l'autre bout du lac et voir au loin la nuit. Les maisons d'Arendelle éclairées, les fenêtres éclairées, je pense que ça va être vraiment super joli. Alors le land sera composé de trois petites sections, j'ai envie de dire. Donc on aura le village d'Arendelle, le château d'Anna et Elsa et la grande montagne de glace avec le château d'Elsa. Alors je vais vous donner un peu mon avis sur ce land et qu'est-ce que je pense qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors si ils ne sont pas bêtes, le petit village sera sûrement une zone où il y aura quelques magasins et probablement quelque chose comme un fast-food à mon avis. Hein. Et pour ce qui est du château d'Elsa et Anna, je verrai bien un restaurant à la Beer Guest. Alors Beer Guest, c'est un restaurant qui est présent à Walt Disney World dans le New Fantasyland et où on rentre tout simplement dans le château de la Belle et la Bête et on peut rencontrer la bête et manger dans un restaurant qui est thématisé sur la salle de bal donc du château de la Belle et la Bête sur l'aile ouest et vraiment on est dans cette ambiance, on est dans le film avec les personnages du film. Et donc là, s'ils ne sont pas bêtes, faire un restaurant où on peut rencontrer Anna et Elsa dans leur château, ça serait vraiment le jackpot pour Disney. Vraiment, ça serait vraiment une super bonne stratégie. Ça plairait à tout le monde. Ce serait une super bonne idée. Ou alors peut-être un meet and greet à cet endroit-là. Qui sait, mais je ne pense pas à une attraction dans ce château-là. Puisqu'on a une grosse montagne. Une montagne géante avec le château d'Elsa. Et qui est pour moi le meilleur moyen de cacher une attraction et les backstage d'une attraction. Et moi, je mise sur un dark ride. Alors pourquoi un dark ride et pas autre chose? Beaucoup de monde parle d'un roller coaster à la Expédition Everest. Ça me paraît complètement incohérent. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup trop de roller coasters dans le parc Walt Disney Studios. Je peux d'ailleurs vous en parler avec ma propre expérience. J'allais très peu dans le parc Walt Disney Studios parce que tout simplement, il y a quasiment que des attractions à sensations fortes. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, je n'aime pas ça. Donc moi, quand je vais au parc Walt Disney Studios, je fais Ratatouille et c'est tout. Donc là, le fait d'encore mettre un roller coaster dans une franchise qui est en plus familiale et qui se veut être plus destinée au public enfant, ça me paraît complètement illogique. Imaginez les petites filles qui arrivent dans le Land Frozen, qui voient une attraction, la Reine des Neiges, et leurs parents leur font « Non, tu ne peux pas la faire, tu es trop petite. » Donc non, une attraction, la Expédition Everest, à cet endroit-là, me paraît complètement improbable. Ensuite, on parle pas mal d'un splash. Alors, c'est déjà plus cohérent, mais j'y crois pas trop à cause de la météo, même si j'aimerais bien en vérité avoir un splash. Mais pour moi, vraiment, ce qui est le plus cohérent, c'est un dark ride. Ça va parfaitement bien avec le film en plus. On peut intégrer les animatronics du film, Olaf en animatronics, intégrer les chansons dans le dark ride. Ça peut vraiment faire quelque chose de bien puisqu'il y a déjà un dark ride, la Reine des Neiges, une rethématisation qui est présente à Epcot, qui est un des quatre parcs de Walt Disney World, qui était une rethématisation d'une ancienne attraction. Et c'est franchement pas mal. Et en plus, on pourrait avoir une version améliorée puisque on aurait la capacité d'avoir un bâtiment beaucoup plus grand. Et donc, ça peut vraiment être super sympa. Voilà. On parle d'ailleurs d'un ride system semblable à celui de Pirates des Caraïbes à Shanghai Disneyland. Alors, c'est qu'une rumeur, mais si on a un ride, un boat ride, on aura forcément cette technologie-là. Je ne vois pas Disney revenir en arrière et réutiliser leur vieille technologie. Alors qu'est-ce que ça va changer? Ben, ça va changer que les bateaux pourront tout simplement aller en arrière sur les côtés, se stopper à n'importe quel moment. Il n'y aura plus d'embouteillage comme dans Pirates des Caraïbes. Et ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, cette zone a l'air assez grande et assez prometteuse. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner et de m'y promener. Le suspense est à son comble. Hâte de voir ce que ça va donner. Et pour ce qui est de Star Wars Land et de Frozen Land, je parie plus sur une ouverture aux alentours de 2024-2025 pour les Jeux Olympiques, donc sûrement 2024. Mais nous verrons bien, ça c'est le mystère, on ne peut pas le savoir. Et seul l'avenir nous le dira. Et pour finir avec le concept art, rapidement, quelques petits détails en vrac. On remarque par exemple qu'à droite du lac, tout à droite du lac, il y a une espèce de parade avec des chars qui ont l'air d'être assez colorés, peut-être une parade Pixar. À voir, en tout cas en tête de parade, il a l'air d'avoir Flash McQueen. C'est pour ça que j'avance l'hypothèse d'une parade Pixar. Donc pourquoi pas. Ensuite, on remarque qu'il y a beaucoup d'espace, notamment entre Frozen Land Star Wars Galaxy's Edge. Pourquoi pas mettre un Pandora Land à cet endroit-là. Pourquoi pas mettre également un Cars Land à droite du Frozen Land. Seul l'avenir nous dira. En tout cas, je pense que ce ne sont pas les deux seuls lands qui seront autour du lac. Et qu'au bout de quelques années, le parc Walt Disney Studios va être tout simplement mais merveilleux. Et un des meilleurs parcs en termes de land immersif tout simplement. Donc à voir ce qui va se faire dans le futur. Et on va de suite parler du Disneyland Park. C'est parti. On a donc quitté le concept art pour se diriger vers le Disneyland Park. Alors vous allez me dire, il n'y a rien d'annoncé pour le Disneyland Park. Effectivement, mais on peut quand même parler de l'avenir de ce parc-là, puisque il est assez étonnant que tout se concentre sur les Walt Disney Studios et que d'ici 2025, on n'ait aucune nouveauté au Disneyland Park. Ça paraît assez improbable quand même. Donc, il y a fort à parier qu'une attraction qui ne nous a pas encore été dévoilée arrive au Disneyland Park, éventuellement pour les 30 ans du parc, c'est pas impossible. Et alors, quelle nouvelle attraction on pourrait avoir? Beaucoup parlent de Tron, l'attraction Tron qui est présente à Shanghai et bientôt à Walt Disney World. J'y crois pas trop, parce que quand vous y réfléchissez bien, il y a un véritable déséquilibre dans le parc. Discoveryland et Fantasyland, donc la partie droite du parc, est extrêmement riche en attractions. Ça me paraît peu probable qu'on ait une nouvelle attraction à cet endroit-là, ou en tout cas pas maintenant. Car quand vous y réfléchissez bien, à Frontierland, on n'a que deux grosses attractions, Phantom Manor, Big Thunder Mountain. Et à Adventureland, j'ai envie de vous dire que c'est pire, puisqu'on a Pirates des Caraïbes et Indiana Jones, qui n'est pas une super attraction, une immense attraction. Alors personnellement, je miserais bien sur une attraction en phase Indiana Jones, et pour le coup, je parlais du fait que j'étais pas hyper confiant sur cette théorie en début de dossier, mais finalement maintenant ça paraît logique, peut-être un Indiana Jones Adventure. Pourquoi pas, après tout il va y avoir Indiana Jones 5 que Steven Spielberg va bientôt tourner, donc peut-être que Disney va miser sur Indiana Jones et faire une version améliorée de Indiana Jones Adventure en face du Temple du Péril. Et ça permettrait ainsi de faire un mini-land Indiana Jones. Ça serait hyper cohérent, hyper bien. C'est une des attractions que j'attends le plus. Et ça serait juste génial, quoi. Indiana Jones, ça me paraît être une franchise intemporelle. Donc, pourquoi pas construire une attraction maintenant? En plus, la saga continue avec l'épisode 5. Donc, ça me paraît tout à fait logique. En tout cas, une nouvelle attraction à Frontierland, j'y crois moyennement, parce que je vois pas trop comment on pourrait en intégrer une, éventuellement un Splash Mountain, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, je crois pas forcément à un Splash à Disneyland Paris, et en plus, on va avoir, comme j'en parlais plus tôt, le Chaparral Theater qui est en train d'être détruit. Détruit pourquoi? Apparemment, d'après les rumeurs, attention, rien d'officiel encore une fois, pour une nouvelle salle de spectacle, cette fois-ci fermée, et donc plus pratique, plus fonctionnelle, qui accueillerait, d'après les dires qu'on entend un peu par-ci par-là, un nouveau show sur le Roi Lion. Alors ça, on l'a notamment entendu de la part de quelques personnes qui étaient présentes à l'avant-première de Pirates et Princesses, de la saison Pirates et Princesses à l'Opéra Garnier. Il y a eu quelques retours de gens qui auraient entendu apparemment qu'on aurait un bel et bien show au Roi Lion dans cette nouvelle salle qui devrait ouvrir aux alentours peut-être de 2009-2020, quelque chose comme ça, à voir. Donc c'est possible, écoutez. Mais pour moi, vraiment, s'il doit y avoir une nouvelle grosse attraction au Disneyland Park d'ici les 30 ans, c'est à Adventureland, clairement. Alors, soit, du coup, à Indiana Jones Adventure, je verrais bien un Soarin aussi. C'est un type d'attraction qu'on n'a pas encore dans notre parc européen. Et pourtant, tous les parcs semblent vouloir avoir leur attraction de type Soarin. On pense au Futuroscope, notamment. Donc, pourquoi pas s'aligner avec les autres et avoir un Soarin en face d'Indiana Jones et le Temple du Péril. Ça me semble tout à fait cohérent, puisque, si je dis pas de bêtises, à Shanghai Disneyland, le Soarin est dans leur, entre guillemets, Adventureland, même si ça ne s'appelle pas Adventureland là-bas, mais voilà, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, soit un Soarin, soit un Indiana Jones Adventure, ou une autre attraction, Donc voilà, à voir pour ce qui est du Disneyland Park. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, il n'y avait pas grand chose à dire, mais je voulais quand même émettre cette hypothèse d'une future attraction. Et on passe maintenant au Disney Village et aux autres développements tels que les hôtels. Effectivement, on a récemment eu des nouvelles du Disney Village. Francis Borrezé, vice-président de la station et du développement immobilier d'Euro Disney, nous dit que nous avons renouvelé un certain nombre d'attractions dans les parcs et la prochaine étape consistera à renouveler le Disney Village. C'est pas surprenant quand on voit l'état actuel du Disney Village, on se doutait bien que ça allait s'agrandir et là c'est juste officialisé. Donc on parle notamment d'un nouveau centre de congrès et éventuellement de nouvelles boutiques et de nouveaux restaurants. Enfin bref, une nouvelle expansion du Disney Village, on n'en sait pas plus. Pas mal parle d'un remplacement du Buffalo Bill Wild West Show pour un show entièrement thématisé Disney. Alors pourquoi pas, c'est vrai que c'est un show qui commence à vieillir. Donc c'est tout à fait possible qu'on apporte de la fraîcheur dans ce bâtiment là. Donc voilà, on va pas plus s'attarder sur le Disney Village, on sait tout simplement que d'ici les années à venir, on va avoir des changements au Disney Village. Mais un point que je voulais aborder, c'est l'éventualité d'avoir des nouveaux hôtels sur le resort. Car qui dit nouveau land, qui dit nouvelles expansions, qui dit à la limite nouveau parc entre guillemets, parce que les Walt Disney Studios vont totalement changer et on va pouvoir considérer ça comme une seconde vie et donc un nouveau parc entre guillemets. On va avoir énormément de personnes qui vont se ruer à Disneyland Paris et qui dit plus de monde dit il faut plus de place dans les hôtels et donc nouvel hôtel. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Peut-être bien. Vous avez vu tout à l'heure mon enthousiasme à propos du Star Wars Land. Et si vous ne le savez pas, à Walt Disney World, en plus d'avoir un Star Wars Galaxy's Edge, ils vont avoir un hôtel entièrement thématisé Star Wars. Mais alors quand je dis entièrement thématisé Star Wars, c'est que c'est le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez les pieds dans l'hôtel, vous ne verrez plus l'extérieur, vous n'aurez plus aucun contact avec l'extérieur. Imaginez être dans votre chambre et voir à travers la fenêtre le Faucon Millenium passer. Car oui, les fenêtres seront remplacées par des écrans qui vous montreront tout simplement la galaxie Star Wars et vous aurez donc l'impression d'être dans un hôtel, dans l'espace tout simplement. Et c'est juste dinguissime. Ce concept, enfin, cet hôtel va être dingue. Et je me suis dit que Star Wars Galaxy's Edge en France allait être construit à un endroit assez proche de là où devrait être normalement notre futur hôtel qui devait se construire d'ici quelques années sur le resort. Donc pourquoi pas coller cet hôtel-là Star Wars qui arrivera aux États-Unis, le mettre en France là où il était prévu qu'il y ait un nouvel hôtel et de le relier directement au Star Wars Land. Imaginez donc passer de votre hôtel au parc directement, passer de Star Wars Galaxy Edge, le land, à l'hôtel. Ça serait tout simplement super, je pense. Ça serait une bonne idée. Et alors là, s'ils veulent attirer du monde sur le resort, ben, tout simplement, ça sera une grosse réussite. Un land Star Wars plus un hôtel Star Wars entièrement thématisé Star Wars, tout ça relié ensemble, ça va être simplement fantastique s'ils le font. Alors ça, c'est qu'une hypothèse que j'émets. On n'a aucune info à ce propos-là. Disneyland Paris n'a pas parlé d'un nouvel hôtel pour le moment. Mais s'ils font ça, ça pourrait être vraiment un top. Et je suis quasiment sûr que ça arrivera. Enfin, je veux dire, s'ils sont un esprit logique, je pense qu'ils le feront. Voilà. De plus, petite information, cet hôtel sera lié en Amérique également au Land Star Wars, étant donné que quand vous ferez des choses dans cet hôtel, il y aura des répercussions dans le land et inversement. Et donc ça y est, on a fini avec notre dossier du jour. C'était assez long, c'était assez intense et riche en théories. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé mes petites théories et ma petite analyse du concept art et du futur de Disneyland Paris. Si vous êtes aussi enthousiaste que moi, eh bien vous pouvez me faire part de votre avis également sur Twitter à DLP Podcast. Donc voilà, ce podcast est désormais terminé, je n'ai rien de plus à ajouter, à part j'espère que ça vous a plu, j'espère que cet épisode pilote vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à venir me donner votre avis sur Twitter, et nous on se retrouve tout simplement le mois prochain, en avril, en fin de mois pour un nouvel épisode de DLP Podcast.